Ah, mes amis, vous le savez, je suis d'un naturel curieux. Alors, j'ai été jeté un œil récemment au salon de la voyance. Au départ, je me disais, oh, foutaise. Je suis passé devant la roulotte d'une manouche, Madame Malakoff, formée à l'école Tadjik. Ouais, elle lit l'avenir dans les boules. Ni une ni deux, je rentre dans sa favela à roulette, je baisse mon short en cuir et je pose le matériel sur la table et je lui dis, allez la manouche, un peu de lecture. T'inquiète pas, si tu veux mal, tu peux y aller à la main, on peut les lire en braille. Deux secondes après, j'avais le canif de son mari planté dans la cuisse. Pas très grave, me direz-vous, une lame de canif, c'est pas la mer à boire. Si ce n'est que chez les manouches, les lames de canif font 40 cm de long. D'ailleurs, au Tirol, on appelle ça des machettes. Je sors de la roulotte en boitant légèrement et je me jure de ne plus jamais m'intéresser à cette science de voleur de poules. Ah, le problème, c'est que j'avais pas encore rencontré Elisabeth Tessier. La madone des horoscopes, la diva du zodiaque, une espèce de vieille peau maquillée comme une voiture de Camerounais sicilien. Après avoir discuté 5 minutes avec elle, elle me dit que je suis d'un tempérament de feu. Oh, à ce moment-là, je crois dur comme fer à l'astrologie. Et elle ajoute que je devrais me méfier cette semaine, qu'en fait j'étais dans une phase négative et que je serais vulnérable à certains temps. À ce moment-là, j'y crois plus du tout à ces conneries. Quel mot de perchu vulnérable. Et puis quoi encore? Sympathique pendant qu'on y est. Quel con. Comme elle commençait à me gonfler, la truffe, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je lui ai dit, bon, la Tessier, je sais pas pour toi, mais moi je sens que j'ai Mercure en pleine bourre. Hein. Si par hasard t'avais les anneaux de Saturne disponibles, je serais pas contre un débourrage de Vénus. Elle a haussé les épaules et me fait, foot. Ah, on fait foot, Helmut. S'il y a un truc qui me rend dingue, c'est quand on me fait foot. Je l'ai attrapé par les cheveux. Je lui ai arraché un orteil. Je lui ai fait pipi dessus. Et je sais, c'est pas joli, joli. C'est pas très fair play, mais je me suis penché sur elle et j'ai chanté. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Oh là, elle s'est relevée d'un coup. Elle a giflé Gérard Majax qui passait par hasard par là. Et elle s'est mise à hurler. Chevalier du Zodiac, prends-moi comme une vierge folle. Balance-moi contre le mur comme un bélier lubrique. Chevauche-moi comme un taureau, même si ça sent le poisson. J'ai la pleine lune qui chauffe. Fais-moi péter le troisième décan. Ah, c'est ça. Je vais t'apprendre à chauffer le fakir, la moujik. Et là, pendant 89 heures, on a fait le... comme des derviches tourneurs. Bon, je vous laisse. J'ai rendez-vous dans 1 heure pour mon tournoi de Bilboquet. Au revoir, Zen.